Lemopoulos, vous êtes l'un des participants orthodoxes à la conférence La paix, le pardon et la réconciliation, organisée par le Conseil œcuménique des Églises, l'Institut de théologie de Boston et l'Académie pour les études théologiques de Volos. Quelles sont vos impressions de cette conférence? Moi, je dirais que cette conférence a une importance capitale et je expliquerai ceci de trois points de vue. Premièrement, partage d'informations, une valeur donc informative et éducationnelle. Deuxièmement, dialogue. Troisièmement, une ouverture, particulièrement pour les participants orthodoxes. Donc, pour reprendre depuis le début, information, il y a un partage d'expériences que nous ne connaissons pas forcément. D'un ami qui parle de la situation de Grèce dans l'Europe actuelle, d'un autre ami qui parle, disons, des expériences récentes en Russie, ou bien des gens qui viennent de l'extérieur parler des mouvements de paix, initiatives que nécessairement nous ne connaissons pas. Donc, nous avons tous, je pense, appris énormément de choses. Mais, je pense que nous ne sommes pas restés au niveau de cet apprentissage. Nous avons fait un pas supplémentaire. Nous sommes entrés dans le stade du dialogue. Et vous avez vu les orthodoxes avec les catholiques, les gens du sud avec les gens du nord, oui, se dialoguer. Même les orthodoxes se dialoguaient entre eux. Ouvrir des horizons, comparer des notes et conclure que parfois il y a des valeurs extrêmement importantes sur lesquelles nous sommes d'accord, comme il y a bien sûr des questions ou des sujets sur lesquels nous devons travailler beaucoup pour atteindre le point où on pourra dire oui, il y a une sorte de consensus qui émerge. Mon troisième point serait que pour, disons, les participants particulièrement grecs, pour le contexte local, ceci fut une occasion pour ouvrir les horizons, pour commencer à voir les choses, des perspectives qui ne sont pas nécessairement dans le quotidien. C'est autre chose de parler de paix, de réconciliation et du pardon d'un point de vue exclusivement grec, basé sur l'expérience historique et sur le vécu théologique liturgique. Et c'est différent de le faire lorsqu'on écoute un ami serbe ou un ami russe. Lorsqu'on écoute quelqu'un qui vient de l'Angleterre, un pacifiste d'Allemagne ou un pasteur évangélique grec qui vit à côté. Donc cette ouverture de l'horizon, je ne dirais pas que ce troisième exercice nous a guidés vers des réponses finales, mais il nous a énormément aidés à poser des questions sous une âme complètement différente. Voir les choses avec des yeux quelque peu différents, les yeux du voisin de palier et du voisin lointain. Et pouvoir répondre à ces questions, pas avec les paroles du voisin, mais avec nos propres paroles, avec notre propre ethos ecclésiastique, avec notre propre théologie, etc. Parce que je suis profondément convaincu que l'Église orthodoxe, et à l'intérieur de l'Église orthodoxe, la théologie grecque contemporaine a un rôle à jouer, peut produire des réponses, peut produire disons une contribution très importante et pour l'avenir de cette Église et pour l'avenir de l'orthodoxie, et comme je viens de Genève, je dois ajouter aussi pour l'avenir du mouvement œcuménique. Donc de ce point de vue, vous me verrez assez positif et assez enthousiaste pour cette conférence, mais pour des conférences pareilles qui ont lieu par-ci par-là, pour ne pas monopoliser seulement, si vous voulez, la paternité ou la propriété d'une initiative. Malgré les différences dans la sensibilité, peut-être contexte concret de certaines églises locales orthodoxes, d'après vous, puisque vous êtes donc secrétaire général adjoint de Conseil œcuménique des Églises, vous avez donc l'expérience dans les dialogues avec les autres confessions chrétiennes. Y a-t-il une spécificité proprement orthodoxe, valable pour toutes les Églises orthodoxes, face aux autres confessions? Il n'y en a pas une seule, il y en a plusieurs. Oui. Je pense que l'Église orthodoxe a une richesse, un trésor, je dirais, théologique, spirituel, sacramentel et historique à partager avec les autres Églises. Et nos Églises ont été conséquentes depuis le début du mouvement œcuménique contemporain, lorsqu'elles ont décidé d'y participer activement, justement pour partager ce trésor. Il y avait la conviction qu'on ne pouvait pas garder, on n'était pas autorisé à garder ce trésor qui nous a été confié pour nous-mêmes. Mais il fallait l'ouvrir vers les autres. Il fallait partager cet espoir et cette conviction qui est en nous, avec les frères et les sœurs, même si on était éloignés et à travers les siècles. Donc, c'est la raison principale pour la participation de l'Église orthodoxe. Ensuite, l'Église orthodoxe, je pense qu'elle a joué aussi un rôle assez critique vis-à-vis du mouvement œcuménique. Chaque fois qu'il y avait des questions fondamentales, l'intuition orthodoxe a posé des défis, a posé des questions fondamentales, ecclésiologiques. Est-ce que nous parlons de l'unité de l'Église ou est-ce que nous parlons de la division de l'Église en fait? Et tout au cours, disons, du mouvement œcuménique, ces questions pertinentes de l'Église orthodoxe sont là et ont aidé, je pense, le mouvement œcuménique. Chaque fois à focaliser, chaque fois à recentrer son attention sur ce qui est l'essentiel et pas pour ce qui est périphérique. Bien sûr, le mouvement œcuménique a aussi aidé les Églises orthodoxes, justement, de sortir un tout petit peu d'elles-mêmes, de faire un tri sur leur propre héritage et histoire, ce qui était l'essentiel et ce qui était le périphérique ou le marginal. Je pense que très souvent, nous sommes tombés dans le piège de présenter comme orthodoxe ce qui était grec, ce qui était serbe, ce qui était russe, et d'oublier la valeur catholique, la valeur universelle de l'orthodoxie. Le mouvement œcuménique nous a aidés à retrouver très souvent ce discours orthodoxe qui transcende, disons, la légitimité de nos autocéphalies, de nos appartenances culturelles, locales, etc. Finalement, et pour conclure, je dirais que les Églises orthodoxes ont montré que leur théologie et leur spiritualité n'ont rien à craindre. Elles peuvent, s'il y a une volonté, et s'il y a des théologiens avec une vision, entrer dans tout domaine et parler ou articuler un discours théologique très central dans des sujets qui sont tout à fait nouveaux, qui vient par surprise, je dirais, sur l'agenda des Églises. Je vais vous donner deux ou trois exemples. Il y a quelques années, plutôt quelques décennies, lorsque le Conseil œcuménique des Églises a essayé de toucher ou de mettre son doigt sur le dialogue interreligieux, une réalité complètement nouvelle, ou plutôt nouvelle, je dirais. C'était à la grande surprise de tout le monde que la théologie orthodoxe a tout de suite pris le flambeau. Et nos amis du patriarcat d'Antioche, surtout, qui avaient l'expérience du vécu au quotidien avec l'islam, ont articulé un discours extraordinaire, qui est devenu immédiatement un discours théologique, presque pour toute la famille dite œcuménique. Quelques années plus tard, le Conseil œcuménique a très timidement essayé d'entrer le domaine de l'écologie, comme on dit, de la pollution. La théologie orthodoxe a immédiatement saisi l'occasion. Et nous avons le cas du patriarche œcuménique qui a pris le flambeau et il a commencé à parler de la responsabilité envers la création, de la protection de cette création qui nous a été confiée. Et il y a toute une théologie de la création qui revit, elle n'est pas nouvelle, elle est avec le Père, mais elle revit et elle devient un discours actuel, au point de mettre l'orthodoxie non seulement au centre du mouvement œcuménique, mais au centre du discours séculaire aussi, sur la protection de la création. Et je peux continuer. Il y a la question de la bioéthique aujourd'hui. Et tout le monde se pose des questions. Qu'est-ce que la vie, le DNA, etc. Et voilà une église comme l'église de Grèce, connue par beaucoup comme une église très traditionnelle, voire très conservatrice, qui crée un centre pour des études de bioéthique. Un centre qui est confié à un moine, aujourd'hui évêque de l'Église, et qui avec toute la responsabilité d'un évêque et d'un scientifique éminent, traite de ces questions et fait des propositions qui sont valables pour la société grecque, pour l'Église grecque, mais aussi pour toute la communauté œcuménique. Donc, je veux toujours souligner le rôle que l'Église orthodoxe a joué et peut encore jouer dans ce mouvement œcuménique. Merci, monsieur Lemopoulos, de nous avoir accordé cette interview.